France Inter. Quoi de mieux qu'un bon blockbuster pour refermer le 5-7 ? Frédéric Sigrist, vous êtes vraiment à la pointe de l'actualité. Hein. Vous allez nous parler d'un film qui a 25 ans. Oui Mathilde, c'est donc un film trop vieux pour être en couple avec Leonardo DiCaprio. Je me représente à Mathilde Siro qui ne vient pas nous voir souvent dans le 5-7. Je suis le chroniqueur qui ne parle que des films que Marie-Pierre Planchon n'a jamais vus. Et si je ne parle pas de super-héros toutes les deux semaines, eh bien, je meurs. Et vu que la semaine prochaine va sortir sur les écrans de cinéma Ant-Man 3, Ant-Man, c'est l'homme fourmi, Marie-Pierre, hein, son ennemi juré, bah, c'est les pieds. Je saute sur l'occasion pour vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, cette époque où les personnages Marvel sur grand écran étaient rares comme une réforme des retraites populaires. Ça a l'air de vous manquer ça, Frédéric. Y a quand même quelques signes qui montrent que la marque Marvel est désormais telle un cycliste un jour de chasse, elle s'est prise du plomb dans l'aile. Certains jeux vidéo Marvel ont fait des flops, la qualité des films est décriée quand elle n'est pas littéralement conspuée, les séries sont loin d'avoir fait l'unanimité, et Tom Cruise et James Cameron ont rappelé qu'on pouvait aussi faire de très bons films avec des scénarios très très cons. Bref, la fatigue des films de super-héros que l'on annonce depuis des lustres semble bel et bien se faire sentir, ce qui va laisser la place à des blockbusters nationaux tels qu'Astérix et Obélix qui nous permettront enfin de critiquer autre chose. Et ça m'a fait me souvenir de 1998, Mathilde. Mmh. Une époque où Marvel Studios n'existait pas encore. J'avais 21 ans, des cheveux et un avenir. Jacques Chirac était président de la République, on s'enjaillait sur la tribu de Dana de Mano, en se demandant quel était l'arbre généalogique d'Hakim, le fils du forgeron. Bruce Willis creusait des trous sur des météorites de Armageddon, et c'est là que j'ai découvert Blade, un film de Steven Norrington avec Wesley Snipes dans le rôle d'un chasseur de vampires hyper charismatique. 12 fois que je l'ai vu au cinéma. 12 fois! Ne me jugez pas, parce qu'il y a énormément de niveaux de lecture. Blade, le Daywalker, le dirnambule en français, mi-humain, mi-vampire, parce que sa maman a été mordue par un vampire quand elle était enceinte. Ah bah oui. La mienne a été mordue par un caniche, ce qui explique que je me sois frotté de manière gênante à des pieds de table jusqu'à l'âge de 12 ans. Blade est un personnage de comic book Marvel créé par le scénariste Marv Wolfman et le dessinateur Jane Cullen en 1973 dans une série intitulée La tombe de Dracula. En BD, Blade, en gros, c'était John Shaft, vous savez, ce héros de la Black Exploitation qui tue des vampires. On surfait sur le public de la Black Exploitation et des films d'horreur, pile poil le public du Masque et la Plume. Non, je déconne. Lorsque Wesley Snipes s'empare du rôle, changement de look total, imperméable de cuir noir, armure en Kevlar, lunettes de soleil, sabre épieu en argent, technique d'arts martiaux stylée pour massacrer les vampires. Un an avant Matrix, 2 ans avant X-Men, Blade ouvre le bal des films réussis de super-héros. Et tout cela, on le découvre dans une scène d'ouverture d'anthologie, une rêve partie dans un abattoir rempli de vampires, une scène culte visible sur le net qui, 25 ans plus tard, continue pour moi d'être le parfait exemple du comment on doit représenter un super-héros sur grand écran. Durant cette séquence, Wesley Snipes a plus de charisme, il a assez de charisme pour alimenter 272 Olivier Dussopt. À un tel point que le personnage de Blade, qui se promène encore aujourd'hui dans les comic books ou les jeux vidéo Marvel, est moins le personnage originel qu'une photocopie de Wesley Snipes sur papier. À l'instar d'un Robert Downey Jr. et son Iron Man, c'est une des rares occurrences où un acteur a vampirisé le personnage qu'il a adapté. Le point commun de ce film, c'est que Blade a coûté 45 millions de dollars et en a rapporté 131 rien qu'au box-office US. Vous allez me dire que le dernier Thor de Marvel Studios en a rapporté 761, mais lui, Mathilde, et c'est bien là toute la différence, je doute qu'on en parle encore dans 25 ans. Frédéric Sigrist, c'était la chronique Blockbuster.